الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد نكون continuons l'explication du livre جمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد عن ابن الإمام ابن قدامة المقدسي une explication de Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Donc la semaine dernière on avait expliqué les paroles de l'auteur et nous ne rejetons rien du Coran ni de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous savons que tout ce qui provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam est vérité, et nous ne répondons pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous n'attribuons pas à Allah subhanahu wa ta'ala plus que ce qu'il ne s'est attribué à lui-même, sans limite et sans but, rien ne lui ressemble, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Nous disons comme il a dit, c'est-à-dire nous disons comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَنَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ لَا نَتَعَدَّ ذَلِكَ, et nous attribuons à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est lui-même attribué sans dépasser cela, وَلَا يَبْلُغُهُ وَصْفُ الْوَصِفِينَ, et ce que peuvent lui attribuer les autres sans preuve n'atteint pas Allah subhanahu wa ta'ala. نُؤْمِنُ بِالْقُرْآنِ كُلِّهِ مُحْكَمِهِ, et nous croyons au Coran, aux versets qui sont clairs comme aux versets qui sont ambigus. Donc nous ne répondons pas ou nous ne rejetons rien de ce qui est rapporté dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ce qui est rapporté dans le Coran, et ceci contrairement aux gens de l'innovation qui eux n'hésite pas à rejeter des versets ou à rejeter des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque cela n'est pas concevable pour eux. Et on avait vu qu'ils ne le rejetaient pas clairement, mais qu'ils utilisaient pour cela d'autres voies, comme la voie de l'interprétation, ou concernant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire que ce hadith est faible. Car le fait de rejeter ouvertement serait grave et interpellerait la plupart des musulmans. Et tout ce que le professeur a dit est une vérité. Il n'y a dans les paroles du professeur aucune contradiction, aucune erreur, aucun égarement, de même dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne répondons pas au professeur, car le fait de dire que le professeur n'a pas voulu dire cela, mais il a voulu dire ceci, ou quand le professeur Hassan a dit que Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le ciel le plus bas, qu'en fait il ne voulait pas dire Allah mais il voulait dire son commandement, le fait de changer ceci, d'interpréter de telle façon les paroles du professeur Hassan revient à le contredire et à le reprendre dans ses paroles. C'est comme si de son vivant le professeur Hassan disait quelque chose et que toi durant son vivant tu dis au prophète non, c'est pas ça que tu voulais dire, mais c'est ça. Et également, concernant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne devons attribuer que ce que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce que Allah s'est attribué à lui-même, ou ce que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les noms et attributs sont donc des choses qui s'arrêtent au texte. Et on ne doit pas dépasser ceci. Naam. Al-Asma wa Sifat Tawqifiyya. Elle s'arrête aux textes qui sont le livre d'Allah et la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quant au nom et attributs, nous disons comme Allah a dit dans le verset, Laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Allah Azza wa Jal s'est attesté ou s'est attribué à lui-même l'ouïe et la vue, et il a attesté également que rien ne lui ressemble, c'est-à-dire que l'ouïe et la vue d'Allah Azza wa Jal ne ressemblent en aucun cas à l'ouïe et à la vue de ses créatures. Nous croyons au Coran, en tout le Coran, que ce soit les versets ambigus et les versets clairs, sans équivoque. Et nous n'utilisons pas les versets ambigus pour dévier et détourner les gens en délaissant les versets qui eux sont sans équivoque. Car on avait dit que le fait qu'il y ait des versets ambigus dans le Coran n'est pas un problème. Pourquoi ? car il y a les autres versets qui eux sont clairs, qui viennent expliquer ces versets ambigus. D'où la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il a parlé des savants qui étaient ancrés dans la science, yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina, il dit nous croyons, c'est-à-dire au Coran, kullun min 'indi rabbina, car tout provient de notre Seigneur. ثم قال المؤلف لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. Puis l'auteur dit, c'est-à-dire l'imam de Qudam al-Maqdisi, et nous n'enlevons rien parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause des énormités que pourraient dire des gens sur nous, et nous ne dépassons pas le Coran et la Sunna, et nous ne connaissons pas le comment des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala illa bi tasdiq ar-rasul wa tathbit al-Qur'an. Le comment, nous ne le connaissons pas, et nous nous contentons uniquement de considérer que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraie, et que ce que le Coran a dit est vrai également. قال الشيخ فوزان ونحن نثبت ما وصف الله به نفسه ولو شنع علينا المعطلة. Et nous attestons et nous attribuons à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est lui-même attribué comme nom et attribut. ولو شنع علينا المعطلة, même si المعطلة, ceux qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'attribut, même si ils nous insultent et ils nous traitent en disant وقالوا أنتم مشبهة وأنتم مجسمة وأنتم حشوية إلى آخر ما يقولون. Même si ces personnes innovées, ces innovateurs disent vous êtes des mushabbiha, c'est-à-dire des personnes qui font ressembler Allah à ses créatures. أو أنتم حشوية. الحشوي, ça vient de مجسمة. مجسمة, c'est le fait de dire, c'est un synonyme de mushabbiha. المجسمة, c'est le synonyme de mushabbiha. وأنتم حشوية, et vous êtes des hashawiyya, qui vient de hashou. Et le hashou, c'est celui qui n'a pas de bien en lui. Celui qui n'a pas de bien et celui qui n'a pas de aql, celui qui n'a pas de raison. Autrement dit, ils disent que eux, ils ont une raison, eux, ils sont intelligents, ils connaissent les choses logiques, ils savent raisonner, et les gens de la sunna, eux, ne savent pas utiliser leur cervelle, et dans ce cas-là, ils ne peuvent pas apporter de bien, il n'y a pas de bien en eux. إلى آخر ما يقولون, et tout ce qu'ils disent d'autre. فأهل الضلال يصفون أهل التوحيد والإثبات يصفونهم بأنهم مجسمة ويصفونهم بأنهم مشبهة إلى آخر ما يقولون. فنحن لا نعبأ بهذه المقالات ما دمنا متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فلا يضيرنا أن يقولوا فينا ما قالوا من الألقاب لأننا نريد إرضاء ربنا فلا نريد إرضاء الخلق. Et Cheikh Fawzan dit, et nous ne devons pas prêter attention à tout ce qui se dit sur les gens de la Sunna et du Tawhid, tant que nous sommes accrochés au livre d'Allah et à la Sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les paroles que peuvent dire les autres sur nous, ou les surnoms qu'ils peuvent nous donner, ne nous atteint pas et ne nous porte pas atteinte, car nous voulons satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et nous ne recherchons pas la satisfaction des créatures. Et l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi a dit wa la nata'adda al-Qur'an wal-Hadith, et nous ne dépassons pas ou nous n'allons pas au-dessus du Coran et des Hadiths. Cheikh al-Fawzan a dit hada yu'akkidu ma sabaq anna al-asma was-sifat tawqifiyyah وكذلك كل علم الغيب وأمور الآخرة وأمور القبر كلها من علم الغيب لا نتدخل إلا حسب الدليل ولا نتعدى الأدلة. Ceci vient appuyer et attester ce qui a été dit auparavant concernant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala quant au fait qu'elle s'arrête au texte. Et ceci est de même pour la science de l'invisible et toutes les choses qui auront lieu dans l'au-delà, et tout ce qui aura lieu également dans la tombe, tout ceci fait partie de la science de l'invisible. Nous ne rentrons dans cette science que selon les preuves, et nous ne dépassons pas les preuves. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas attester, affirmer des choses en rapport avec l'invisible qui ne sont pas citées dans le Coran ou dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment apporter des plus alors que c'est quelque chose d'invisible? D'où vas-tu puiser cette science? C'est pour cela que certains, parmi les soufis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous prenez la science des morts. Nous, on prend la science du vivant qui ne meurt jamais. Les soufis qui ont atteint un niveau d'égarement incroyable considèrent qu'ils se rapprochent tellement d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils n'ont plus besoin d'intermédiaire. Et ils en arrivent au point que lorsqu'ils ont la certitude ou lorsqu'ils ont quelque chose qui leur fait comprendre qu'ils ont atteint l'incertitude, dans ce cas, ils s'autorisent tout. Ils sortent de At-Takalluf, comme ils disent. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont atteint un niveau de spiritualité qui est élevé, ils attendent un événement, l'événement révélateur, qui va être compris par eux comme étant un signe d'Allah qui vient attester qu'ils ont atteint le niveau de la certitude. Et ils considèrent que celui qui atteint le niveau de la certitude, il n'est plus obligé de faire les obligations et de délaisser les interdits. Wal'iyadu billah. Non, ils utilisent wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Donc, si la certitude te parvient, tu n'as plus besoin d'adorer ton Seigneur. Al-yaqin al-maut. Mais eux, ils disent al-yaqin, non, c'est la certitude. Al-yaqin, c'est par exemple un rêve qu'ils vont voir, c'est une voix qu'ils vont entendre, etc., etc. Donc, les choses de l'invisible, nous ne les prenons que du Coran ou de la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans dépasser cela. قال الشيخ الإمام ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم كيف كن ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. قال الشيخ الفوزان حفظه الله لا نعرف الكيفية نحن نعرف المعنى ونثبته لكن لا نعرف كيفية الأسماء والصفات. Nous ne connaissons pas le comment, c'est-à-dire des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Nous ne connaissons que le sens et nous l'attestons. Quant au comment, nous ne le connaissons pas en termes de noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. ولذلك لما قال رجل للإمام مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى اسأله عن الكيفية فأطرق الإمام مالك رحمه الله ثم رفع رأسه وقد علته الرخصاء الرحضاء يعني العرق حياء من الله سبحانه وتعالى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج من المجلس. Et ceci est arrivé à l'imam Malik رحمه الله lorsqu'un homme est venu le questionner sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala الرحمن على العرش استوى, le tout miséricordieux qui est établi au-dessus de son trône. Comment est-il établi? Il lui a demandé le comment. Et l'imam Malik rahimahullah a baissé sa tête, puis l'a relevé, et on pouvait voir la sueur tomber de son front par honte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait honte d'Allah azza wa jal qu'on lui pose ce genre de questions. فقال il a dit الاستواء معلوم, l'élévation au-dessus du trône est quelque chose de connu. On sait tout ce que ça veut dire, ce que signifie être établi au-dessus. والكيف مجهول, le comment est inconnu. والإيمان به واجب, de croire en cela est obligatoire. والسؤال عنه بدعة, et de demander le comment est une innovation. وما أراك إلا رجل سوء, et je ne vois en toi qu'un homme mauvais. ثم أمر به فأخرج من المجلس, puis il a ordonné qu'on expulse cet homme de son assise, rahimahullah ta'ala. فنحن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم نعلم كيفية ذلك نصدقوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. Nous rendons, nous considérons vrai tout ce que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a dit, même si nous ne connaissons pas le comment. Nous croyons en ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, car il transmet de la part de son Seigneur, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et ce que le prophète vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Et Allah Azza wa Jal a dit également sur le sens, et nous n'avons envoyé de prophète que pour qu'il soit obéi par la volonté d'Allah. فالذي لا يصدق الرسول في هذه الأمور وهي أعظم الأمور وهي الأسماء والصفات لأنها من العقيدة بل هي صلب العقيدة فالذي لا يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا يكون فيها فالذي لا يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيها لا يكون مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون مؤمنا أنه رسول الله. Et celui qui ne croit pas au prophète صلى الله عليه وسلم dans ces choses qui font partie des choses les plus importantes, qui sont les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elles font partie de la croyance, et ce sont même les choses les plus importantes dans la croyance, car le pilier le plus important dans la croyance c'est al-imanu billah, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, et les noms et attributs d'Allah azza wa jal concernent directement Allah, ce sont donc des choses qui sont les plus importantes en termes de croyance. Celui qui ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths n'obéit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui n'obéit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne croit pas que c'est l'envoyé d'Allah. نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع القرآن فما أثبته القرآن وأثبتناه وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتناه وما نفاه القرآن أو نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم نفيناه ولا نتعدى القرآن والسنة في النفي والإثبات هذه طريقة السلف الصالح. Nous suivons donc le prophète et nous suivons le Coran. Ce que le Coran a attesté, nous l'attestons. Ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a attesté, nous l'attestons. Ce que le Coran a nié ou ce qu'a nié le prophète صلى الله عليه وسلم, nous le nions également. Et nous ne dépassons pas le Coran et la Sunna dans la négation et dans l'attestation. Ceci est la voie de nos pieux prédécesseurs. Alhamdulillah, vous voyez que de suivre la Sunna, c'est quelque chose de clair et évident. Il n'y a pas de déviation, de zigzag, d'ambiguïté. On suit le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, on remercie Allah de nous avoir guidés sur le droit chemin. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, a cité la parole de l'imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah, qui a dit « Je crois en Allah et ce qui provient d'Allah comme l'a voulu Allah. Et je crois au prophète, à l'envoyé d'Allah, et en ce qu'a apporté l'envoyé d'Allah comme l'a voulu l'envoyé d'Allah. » قال الشيخ فوزان حفظه الله وبعد أن انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله ينقل الآن عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسمي الشافعي نسبة إلى جده شافع والإمام الشافعي من بني المطلب ابن عبد مناف فهو مطلبي من أهل البيت رحمه الله ولذلك يلقبونه بعالم قريش فهذا الإمام العظيم له موقف عظيم في الدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والرد على أهل الزيغ والضلال. الشيخ فوزان حفظه الله dit, après avoir cité la parole de l'imam Ahmed رحمه الله, l'auteur cite maintenant la parole de l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Il a été appelé al-Shafi'i vis-à-vis de son grand-père qui appelait Shafi'i, qui s'appelait Shafi'i. Et l'imam al-Shafi'i fait partie des Banu al-Muttalib, fils de Abdou Manaf. C'est donc un Muttalibi et fait donc partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il était surnommé le savant de Quraysh. Cet imam immense avait beaucoup de position très forte dans la défense de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la réponse aux innovateurs et aux gens égarés. آمنت بالله وبما جاء عن الله الذي لا يؤمن بما جاء عن الله لا يؤمن بالله. الإمام الشافعي a dit: je crois en Allah et en ce qui provient d'Allah, en ce qui vient de chez Allah. Hacham Fawzan a dit: celui qui ne croit pas en ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala ne croit pas en Allah. على مراد الله أي على ما أراده الله جل وعلا ولا نتدخل في شيء من عندنا ونفسر تفسير من عندنا وإنما نتوقف على ما جاء عن الله على مراد الله سبحانه وتعالى. Nous croyons en Allah, en ce qui provient d'Allah, comme Allah l'a voulu. C'est-à-dire, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, nous n'entrons pas ou nous n'ajoutons pas des choses de nous-mêmes et nous ne donnons pas d'explication ou d'exégèse provenant de nous-mêmes, mais nous nous arrêtons à ce qui provient de chez Allah Azza wa Jal, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. فنقول سمى الله جل وعلا نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات فنحن نؤمن بها على مراده سبحانه لا نؤولها ولا نحرفها عما جاءت فنثبت له السمع والبصر والحياة والقدرة والكلام والإرادة وسائر الصفات لأنه هو الذي سمى ووصف نفسه بها. Nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné des noms et s'est attribué des attributs. Nous croyons en tout ceci comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Nous ne les interprétons pas, nous ne les modifions pas. Nous les attestons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui attestons ou nous lui attribuons l'ouïe, la vue, la vie, le pouvoir, la parole, la volonté et tous les autres attributs, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui s'est nommé ainsi et c'est lui qui s'est donné ces attributs. كذلك بعد الإيمان بالله وبما جاء عن الله على مراد الله نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة على مراد رسول الله لا نفسرها بشيء يخالف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من التأويلات والتحريفات الباطلة بل نثبتها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Également, après avoir cru en Allah et en ce qui vient d'Allah comme l'a voulu Allah, nous croyons au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths authentiques, comme l'a voulu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne les expliquons pas par des choses qui viennent contredire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire en utilisant des interprétations ou en utilisant des modifications, des falsifications. Au contraire, nous attestons comme l'a voulu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Et ceci est l'explication et le sens de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé d'Allah, c'est-à-dire de l'obéir dans ce qui nous a ordonné, de le croire dans ce qui nous a informé, de nous abstenir dans ce qui nous a interdit, de nous abstenir de ce qui nous a interdit, et de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'en totale concordance avec sa législation sallallahu alayhi wa sallam. فالذي يشهد أن محمد رسول الله لكن لا يصدقه فيما أخبر كاذب في شهادته متهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم ما جاء به الأسماء والصفات جاء بها صلى الله عليه وسلم سمى الله بها بأسماء ووصفه بصفات فنحن نؤمن بها ونصدقه في ذلك ولا نرد عليه صلى الله عليه وسلم أو نحرف ما جاء عنه بالتأويلات الباطلة والتشكيكات والتزييفات التي ضل بها أكثر الخلق. Celui donc qui croit et qui atteste que Muhammad صلى الله عليه وسلم est envoyé d'Allah, mais ne le croit pas dans ce qu'il a informé, est menteur dans son attestation, et il traite de menteur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et la chose la plus importante que nous a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir les noms et attributs d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a transmises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Allah des noms et lui a attribué des attributs. Nous croyons donc en tout ceci et nous attestons que c'est la vérité, sans lui répondre sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de modifier, de falsifier ses paroles par des interprétations mensongères, ou en émettant des doutes, ou en embellissant d'autres paroles qui ont égaré la plupart des gens. Wa kalamu l'imam Ahmad wa kalamu al-Shafi'i huwa al-manhaj alladhi tasiru alayhi ummat Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et la parole de l'imam Ahmad ainsi que la parole de l'imam al-Shafi'i sont la voie que suit la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. قال الإمام ابن قدامة وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. Et c'est sur cette voie ou c'est cette voie qu'ont emprunté les salaf ainsi que les imams parmi les khalaf. قال الشيخ الفوزان حفظه الله على هذا الكلام وهو الإيمان بما جاء عن الله على مراد الله والإيمان بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله درج عليه السلف وهم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة لم يتوقف أحد منهم في هذا يقرؤون القرآن ويروون الأحاديث ولم يتعرضوا على شيء من هذا مضت على هذا القرون المفضلة ما اعترضوا على هذه الآيات ولا على هذه الأحاديث وإنما حدث الاعتراض أو حدث الاعتراض بعد انقضاء القرون المفضلة حينما جاء علماء الكلام والفلسفة فأدخلوا في الدين ما ليس منه وحكموا القواعد المنطقية والبراهين العقلية كما يسمونها حكموها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et selon cette parole, c'est-à-dire la parole qui est de dire que nous croyons ce qui vient d'Allah selon la volonté d'Allah et nous croyons en ce qui est venu du prophète sallam comme l'a voulu le prophète sallam, ceci est la voie qu'ont emprunté nos salafs. Qui sont les salafs? Ce sont les premiers de cette communauté parmi les compagnons at-tabi'in, ceux qui les ont suivis, et at-ba'u at-tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont suivi les tabi'in, wal-qurun al-mufaddala, et les trois générations méritoires qui ont été cités dans le hadith du prophète sallam, khayrul quruni ou khayrun nasi qarni thumma alladina yalunhum thumma alladina yalunhum. Les meilleurs gens sont les gens de ma génération, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. D'où le fait que les savants parlent beaucoup des trois générations méritoires, c'est-à-dire la génération du prophète sallam et les deux qui les ont suivis. Et dans ces trois générations, لم يتوقف أحد منهم في هذا. Personne ne s'est attardé sur ceci. Ils lisent le Coran et rapportent les hadiths sans s'attarder sur tout ce qui a été cité auparavant. C'est-à-dire, ils ne s'attardent pas à interpréter et à essayer de donner des explications ou à dévier le sens ou à falsifier. مضت على هذه القرون المفضلة. Tous ces hadiths et tous ces versets ont été traversés durant ces trois générations méritoires. Personne ne s'est attardé sur ces versets, c'est-à-dire les versets qui parlent des noms et attributs d'Allah, de même que sur ces hadiths qui parlent des noms et attributs d'Allah, mais ont innové cela, ou ceci a été innové après ces trois générations, lorsque sont arrivés les savants de la parole et de la philosophie qui ont entré dans leur religion, ce qui n'en fait pas partie, et ont appliqué des règles qui, pour eux, sont des règles de logique et des règles de raison, comme ils les nomment eux-mêmes. Ils ont appliqué ces règles dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Ulama al-kalam, les savants de la parole, ce sont ceux qui ne considèrent comme preuve que leur raison et tout ce qui est logique. Tout ce qui est logique, c'est bon. Tout ce qui n'est pas logique, c'est pas bon. Et ce que eux considéraient ce qu'ils considéraient comme n'étant pas logique, c'est le fait de dire que Allah entend Allah voit, Allah a des mains. Pour eux, c'est quelque chose d'inconcevable et d'illogique. Et ils n'arrivent pas à faire rentrer dans leur cervelle que le fait d'attester ces noms et attributs d'Allah Azza wa Jal ne signifie pas de faire ressembler Allah Azza wa Jal. On peut attester et on doit attester les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, et on doit également croire qu'ils ne ressemblent en rien, en absolument rien, aux noms et attributs de ces créatures. Subhanahu wa ta'ala. Wa a'immatul khalafi radiyallahu anhum. Et les imams parmi les khalafs, qu'Allah les a agréés. Qala Cheikh Fawzan, a'immatul khalaf من جاء بعد السلف ممن سار على نهجهم فإنهم على هذا المذهب سلكوا هذا المذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى فيكون هناك من الخلف من يقتدي بالسلف ويسير على منهجهم إلى أن تقوم الساعة ولا تخلو الأرض ولله الحمد منهم لأنهم يقومون بنشر هذا الدين ويبلغون هذا الدين بعد السلف الصالح فهم حجة الله على خلقه هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يقيم لهذه العقيدة ولهذا المنهج السلفي من يتمسك به ويعلمه للناس إلى أن تقوم الساعة رحمة منه بعباده سبحانه. Et les savants parmi les khalafs, Cheikh Fawzan dit, ce sont ceux qui sont venus après les salafs et qui ont suivi leurs traces et leurs voies. Ils sont dans le même madhab, c'est-à-dire dans la même voie que les salafs, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par Muslim et Abu Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La tazalu ta'ifatu min ummati » Il y aura un groupe de ma communauté qui restera dans la vérité et sera apparent, c'est-à-dire qu'il sera connu des gens. La yadurruhum man khadalahum, ne leur porteront pas atteinte ceux qui les délaissent, ni ceux qui les contredisent, jusqu'à ce que vienne le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire yawm al-qiyama, c'est-à-dire le jour du jugement. Et Cheikh Fawzan dit, il y a donc parmi les khalafs ceux qui suivent les salafs et qui sont sur la même voie qu'eux, et ceci jusqu'à l'arrivée de l'heure. Wala takhlu al-ardu minhum walhamdulillahi alhamd, et la terre ne sera jamais absente, et ils ne seront jamais absents de la terre, et ils appelleront toujours et propageront toujours cette religion et transmettront cette religion après les salafs. Ce sont donc les preuves d'Allah sur ces créatures, et ceci fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il mette à disposition sur terre des personnes qui portent en eux la vraie croyance et qui suivent le droit chemin et s'y accrochent et appellent les gens et enseignent les gens et enseignent aux gens cette croyance et ce droit chemin, et ceci jusqu'à la fin des temps. Et ces personnes sont considérées comme étant une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ses serviteurs. Le fait qu'Allah azza wa jal, après 14 siècles d'existence de l'islam, mette à nos jours à disposition des savants et des étudiants en sciences qui portent en eux la vraie croyance avec les preuves puisées du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et appellent à cette aqidah, à cette croyance, et appel à suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le faisaient leurs salafs, qui sont, comme on l'a dit, les personnes qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant les trois premières générations. Donc il y a une différence entre un salaf et un salafi. Ce sont deux choses différentes. Un salaf, c'est une personne qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant les trois premières générations. D'accord ? Et un salafi, c'est celui qui suit les salafs. Un salafi, c'est celui qui suit les salafs, c'est-à-dire qui croit que sa croyance est celle des salafs, que la voie qu'il suit est celle des salafs, qu'il prie comme priaient les salafs, qu'il jeûne comme jeûnaient les salafs, etc., etc. Et beaucoup de gens, à notre époque, disent « Ouais, lui, c'est un salaf. Lui, c'est un salaf. » Non, c'est faux. Les salafs, ils sont morts, rahimahoullah. Lui, le mieux qu'il puisse faire, c'est d'être salafi. Et ceci répond aux innovateurs qui disent « C'est prétentieux de salafi. » C'est prétentieux, ils se disent salafi. Alors qu'ils n'arrivent même pas à la cheville de Omar al-Khattab. Ils n'arrivent même pas à la cheville d'Abu Bakr radiallahu anhu. Oui, on n'arrive pas à la cheville d'Abu Bakr. On n'arrivera jamais à la cheville d'Abu Bakr. Personne n'arrivera à la cheville d'Abu Bakr radiallahu anhu. Mais toi, le miskin, qu'est-ce que ça veut dire salafi? Est-ce que ça veut dire salaf? Non. Celui qui se dit salaf, oui, là, il est prétentieux et il se considère comme étant Masha'Allah. Non, mais un salafi, c'est celui qui s'efforce de suivre ses salafs. Et il n'arrive pas à leur cheville, c'est clair. Et comme l'a dit Ash-Sha'ir, فَتَشَبَّهُ إِنْ لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحُ. Mais les salafis essayent de faire comme l'a dit un poète, فَتَشَبَّهُ إِنْ لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ. Ressemblez-leur si vous n'êtes pas comme eux. Car de ressembler à des personnes honorables est une réussite. Le fait que tu essaies de ressembler à tes salafs, c'est une réussite, même si tu sais que tu ne les atteindras pas. Et ceci, le professeur Hassan l'a attesté. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Un hadith authentique où le professeur Hassan a montré la grande valeur et le grand mérite des compagnons radiallahu anhum. Il a dit لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. Si l'un d'entre vous donnait en aumône أحد en or, ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه, il n'aura pas fait quelque chose de mieux, c'est-à-dire que son aumône ne sera pas meilleur que le mud qu'aura donné un compagnon radiallahu anhu. Un mud de blé que donnerait un compagnon radiallahu anhu en aumône est plus méritoire que toi, que ce que tu donnerais toi en or comparable à Uhud. Car c'était les meilleurs de cette communauté et leur acte était accepté radiallahu anhu. Il connaissait le sens de la sincérité, il connaissait le sens de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi qui donnes en aumône Uhud en or, est-ce que tu as été sincère? Est-ce que ta sincérité est pure et n'est pas tachée de riyad, d'ostentation ou autre? C'est clair que ta sincérité et celle des compagnons est incomparable. Donc, de fait de dire qu'on est salafi, ce ne veut pas dire qu'on est des salafs, ce ne veut pas dire qu'on est prétentieux, ça veut tout simplement dire que nous nous efforçons de suivre l'islam authentique, l'islam que nous a transmis les salafs, qui sont les trois générations méritoires qui ont côtoyé le prophète sallam directement ou ont côtoyé ceux qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et l'imam Shafi'i et d'autres savants font partie des salafs, font partie de Atba' al-Tabi'in. Ils font partie de Atba' al-Tabi'in. L'imam Malik, rahimahullah, faisait partie de Atba' al-Tabi'in. Il faisait partie de la troisième génération. Et dans un autre hadith, le professeur Hassim a même rajouté un quatrième. فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Dans une autre version, le professeur Hassan a dit les meilleurs des gens ce sont ceux de ma génération, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. C'est clair ou pas? طيب قال المؤلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله وقد أمرنا باقتفاء Qui est la deuxième version du Biliktifata ou Biktifa? Biktifa. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنالهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها منا أو أخبرنا أنها الضلالات أنها منا أخبرنا أنها ضلالات نعم شو دانوت دانوت فيرسيون يا وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها الضلالات نعم من الضلالات c'est pas pareil mais c'est pas faux de dire الضلالات donc l'imam al-Qudam a dit كلهم متفقون ils sont tous d'accord c'est-à-dire qui est d'accord les salafs et Et les savants parmi les khalafs. كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. Ils sont tous d'accord sur le fait d'accepter, de rapporter à l'إقرار ou d'accepter, de rapporter et d'attester ce qui a été rapporté parmi les attributs dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans s'exposer à une interprétation. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم إن زيت أردني de suivre leurs traces والاهتداء بمنارهم et de suivre leur lumière وحذرنا المحدثات et nous avons été mis en garde contre les innovations وأخبرنا أنها الضلالات et nous avons été informés que ce sont des égarements c'est-à-dire les innovations قال الشيخ فوزان على الإقرار والإمرار الإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير تعرض لتأويلها وتحريفها وإنما يمرونها كما جاءت على ألفاظها ومعانيها ولا يتعرضون عليها هذه طريقة السلف ومن سار على نهجهم من الخلف من أئمة الهدى Nous, ils sont tous d'accord sur le fait d'accepter et de rapporter. Al-Iqrar al-Biha, c'est-à-dire de les accepter, accepter ces versets et hadiths qui parlent des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, ou Imrariha, et de les rapporter comme elles nous ont été transmises, sans s'exposer à des interprétations ou à des falsifications, mais nous les rapportons comme elles nous ont été transmises, selon leurs termes et leurs sens, et ils ne s'exposent pas ou ne les contredisent pas, ceci est la voix des salafs. Et ceux qui les ont suivis parmi les khalafs, parmi les savants bien guidés. وَقَدْ أُمِرْنَا Et nous avons été ordonnés de suivre leurs traces et de suivre et de nous guider de leur lumière. De suivre leurs traces et de nous guider de leur lumière. De suivre leurs traces fait partie de la religion. Comme Michel Fauzen dit, de suivre leurs traces fait partie de la religion. الله سبحانه وتعالى أدي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه les premiers parmi les مهاجرين et les أنصار et ceux qui les ont suivis dans le bien Allah les agréés et ils sont agréés d'eux وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي هذا أمر باقتفاء آثارهم Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi. » Ceci est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre leurs traces. « وَالسَّيْرُ عَلَى مَنَارِهِمْ وَالْمَنَارُ هُوَ الْعَلَامَاتِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى الطَّرِيقِ يَسْتَدِلُّ بِهَا السَّالِكِ » Et de suivre et de les suivre selon leurs emblèmes ou selon les signes qu'ils laissent. Walmanaru et Almanar signifie un emblème qui est posé sur la route qui permet aux gens de se guider. Ça peut être une lumière ou ça peut être une trace ou ça peut être un panneau ou ça peut être par exemple un rocher posé sur une route qui permet aux gens de se repérer. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui change les repères de la terre. Et celui qui, par exemple, change un panneau ou casse un panneau, par exemple, le seul panneau qu'il y a et qui permet aux gens de se repérer, de savoir, voilà, après ce panneau-là, à le troisième à droite. Il arrive, il n'y a plus de panneau. Celui qui a enlevé ce panneau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a maudit. Également, man ghayyara manal al-ard, celui qui triche dans les délimitations de la terre. Ta terre et celle de ton voisin sont délimitées par un grillage ou par un poteau. Et la nuit, quand tout le monde dort, tu prends le poteau et tu l'avances de 2 mètres. Ou tu le recules de 2 mètres pour avoir plus de terre. Là, tu as changé des repères de la terre et tu entres dans la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala wa la'yadu billah. Donc, il nous est demandé de suivre les repères que nous ont laissés nos salafs, radiallahu anhum, qui nous permettent de savoir que nous sommes toujours sur le bon chemin. Huzzirna wa huzzirna al-muhdathat, et nous avons été mis en garde contre les innovations. Huzzirna min al-muhdathat, wa dhalika li qawli rasuli sallallahu alayhi wa sallam, inna khayra al-hadith kitabullah, wa khayra al-hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, وكل ضلالة في النار هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم. Nous avons été mis en garde contre les innovations, ceci par la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. La meilleure des paroles est le livre d'Allah, et la meilleure des voix est la voix de Muhammad صلى الله عليه وسلم. Et la pire des choses, ce sont celles qui sont innovées, et toute innovation, toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement est en enfer. Hadith authentique apporté par Al-Muslim dans son Sahih. Ainsi nous a mis en garde le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. On aktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.